Conscience et longévité, voilà le terme de cet enregistrement audio. Avant de l'aborder à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui apprécient les capsules audio que je rends disponibles depuis plusieurs années sur le web en grande quantité, parce qu'il y en a quand même plusieurs centaines, eh bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir les informations dans cette perspective là en bas de l'enregistrement présent. Et comme à l'habitude, eh bien, je tiens à remercier là sincèrement les gens qui, au cours des mois, m'ont fait parvenir donc des contributions financières. Donc, c'est apprécié. Cette petite annonce faite, donc je vais commencer à proprement dit aborder le sujet d'aujourd'hui, qui est conscience et longévité. Donc, est-ce que la conscience individuelle peut avoir une incidence sur la longévité de l'individu, c'est-à-dire sa durée de vie? Eh bien, la réponse qui émerge en moi, c'est oui. Je vais aujourd'hui vous parler d'un autre registre parce que j'ai fait des enregistrements là récemment où j'allais entre autres commenter qu'est-ce qui se passait là en lien avec la crise sanitaire, alors qu'aujourd'hui je vais viser à canaliser de l'information entre autres, donc vous amener un peu plus sur un registre introspectif vibratoire. Donc vous allez voir la tonalité de l'enregistrement va être différente là de celui que j'ai fait récemment où je prenais des nouvelles de l'actualité que je commentais. Par rapport à conscience et vieillissement, longévité, la durée de vie. Mais c'est sûr que je peux rajouter que la conscience a un impact aussi sur le vieillissement, dans le sens que l'état vibratoire de la personne a une incidence, à savoir si elle va vieillir rapidement, autrement dit, si son corps physique va s'user prématurément ou non. C'est sûr que la personne qui, par exemple, s'est dotée d'un centre de gravité permanent, donc une capacité d'intégrer les émotions, donc le fait qu'elle soit centrique, et qu'elle soit capable, par exemple, composer avec les fluctuations des événements sans vivre continuellement la montagne russe émotionnelle, eh bien, ça évite de connaître une usure prématurée liée au stress et aux tensions énergétiques associées au fait de subir des émotions qui occasionnent des dépenses d'énergie importantes. Si on prend, par exemple, sur le plan émotionnel, quelqu'un qui ressent tout le temps de la tristesse, ben ça alourdit. Puis de nourrir l'énergie de la tristesse, ça représente une dépense d'énergie. Et cette énergie-là ne peut pas être mobilisée ailleurs. Autrement dit, l'énergie qui est canalisée pour manifester la tristesse ne peut pas être utilisée pour, par exemple, manifester de l'intelligence créative à travers une activité de, par exemple, de parole vibratoire ou également d'écriture à caractère vibratoire. Bien entendu, si la personne a à vivre la tristesse suite à un décès d'un être proche, c'est correct de le vivre. Par contre, si la personne est prise dans un jeu de réflexion en relation avec l'influence astrale, puis là, ça fait des années que la personne proche est décédée, puis elle pleure régulièrement chaude larmes, là, plusieurs mois après, voire plusieurs années après, bien, c'est sûr que, dans le fond, elle peut s'enliser par rapport au décès, en fait, de manière à ce que la personne n'intègre pas l'événement. Et à ce moment-là, ben ça la fasse continuellement réagir émotivement, ce qui représente à ce moment-là une grande quantité d'énergie qui n'est pas utilisée par la conscience de la personne pour se redéfinir créativement suite à la perte de cet être cher. Donc, autrement dit, l'énergie qu'on a, un peu comme la quantité de temps dans une semaine, n'est pas nécessairement infinie. Et si on utilise l'énergie pour continuellement se sentir victime, vibrer la tristesse, ben à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que à quelque part, on peut se faire récupérer par l'astral qui va avoir tout intérêt à nous amener à vibrer à l'émotionnel d'une manière continue ou le plus longtemps possible, étant donné que les entités astrales vont vivre par procuration à travers l'individu qui vibre de l'émotivité. Donc, autrement dit, les entités astrales peuvent être très retardataires par rapport au vécu d'un deuil, par exemple suite à la perte d'un être cher, et à l'acceptation, alors que la personne qui est en contact avec l'esprit, donc la dimension impersonnelle de sa conscience, qui est par-delà de la forme, va favoriser l'intégration du deuil, parce que cette intelligence va être capable d'accepter que, à quelque part, eh bien, les gens qu'elle a connus, bon, ben, c'est sûr qu'ils ont une existence terrestre, puis à un moment donné, ben, ces gens décèdent, et de passer à autre chose, et se de redéfinir créativement et de réinvestir l'énergie qui est investie sur le plan relationnel avec une personne significative ailleurs. Donc, autrement dit, l'esprit peut coordonner la redistribution créative de l'énergie pour faire autre chose et ça peut amener la personne à tisser des liens avec des nouvelles personnes, ça peut amener la personne aussi à faire de nouveaux projets, découvrir des nouveaux intérêts. Ça peut être pour la musique, remobiliser autrement son temps, écouter de la musique, écouter des films, mais ça peut être aussi, par exemple, faire de l'écriture ou de s'intérioriser pour discuter avec son esprit, pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à la personne qui est décédée. Donc, autrement dit, la conscience va avoir une incidence sur le processus de vieillissement, mais ce que je voulais parler aujourd'hui, c'est la longévité. Mais, voyez-vous, je me suis mis en mode réceptivité, puis ça me dit intérieurement que c'est intéressant pour les gens qui écoutent d'avoir un propos là, en lien avec la question de l'usure prématurée du corps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé par rapport à ça, puis amener des éléments. Mais sinon, moi, en tant qu'ego, en tant qu'individu, c'est pour ça que je redirige un peu la conversation. C'est que je veux aborder la question de la longévité en relation avec une information particulière que j'ai eu accès récemment. C'est-à-dire que j'ai, en tant qu'individu, appris que mon arrière-grand-mère, qui est décédée à l'âge de 99 ans, avec 11 mois et quelques jours, eh bien, l'information auxquelles j'ai eu accès là, de personnes de la famille qui la connaissaient très bien, c'est qu'ils m'ont dit que cette personne ne voulait pas vivre jusqu'à 100 ans parce qu'elle estimait que 100 ans, c'est vieux. Donc, elle faisait une association mentale à l'effet que, ben là, moi, je veux pas me rendre à 100 ans. 100 ans, c'est vieux. Là, je suis 99 ans, 11 mois, moi, je suis correct. Donc, ce que j'ai capté vibratoirement, ça représente ça. C'est-à-dire qu'elle avait peur de franchir un cap et devenir centenaire. Elle n'était pas à l'aise avec ça. Puis elle voyait ça d'une manière plutôt péjorative, de ce que je comprends. Et ça a attiré mon attention parce que ça m'a dit intérieurement que l'individu, de par sa subjectivité, que l'individu soit en contact avec l'esprit ou les plans ou qu'il ne le soit pas, sa subjectivité a une incidence sur sa longévité en plus de la manière qu'il va vieillir et la dégradation de son corps biologique. Tout est interrelié. Et ça, c'est une notion fondamentale à apprendre et ce cas-là spécifique par rapport à ma famille me confirme qu'en réalité, la volonté individuelle de la personne a une incidence sur la quantité de temps qu'elle va vivre sur Terre, sur sa longévité. Donc ça, c'est un cas. Je vais vous partager un autre cas. Il y a celui de mon père, en fait, dans mon cas, mon père est décédé alors qu'il était au milieu de la quarantaine d'un cancer généralisé. À l'époque, j'avais 17 ans et mon frère, il était jeune aussi. Et nous étions aux études, nous étions au secondaire ici au Québec. Et la particularité du Québec, c'est que au printemps, il y a ce qu'on appelle la semaine de relâche qui a lieu le 1er mars. Et donc, mon père était en phase terminale d'un cancer, à la fin du mois de février. Il s'était informé pour savoir c'était quand la semaine de relâche. Et lui, il était comptable là, de profession, donc il avait un esprit de calcul. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que mon père ne voulait pas qu'on manque de l'école en relation avec son décès. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il est mort pour le début de la semaine de relâche. de sorte que dans les jours qui ont suivi, bon, il y a eu des funérailles, mais on n'a pas manqué d'école, moi et mon frère, alors que nous étions aux études. Donc, autrement dit, il est mort au début de la semaine de relâche, ce qui fait que les funérailles ont eu cours pendant la semaine de relâche. Et cet événement m'a amené à réaliser que l'individu, de par sa subjectivité, sa conscience personnelle en tant qu'ego, peut avoir une incidence sur le moment du décès. Et la particularité de ça, c'est que c'est pas, je parle pas de gens là, qui vivent nécessairement une conscience supramentale là, d'une manière volontairement consciente qui peut avoir une incidence. Non, non, l'individu qui peut vivre d'une conscience astrale peut avoir une incidence sur le moment que la personne va décider. C'est sûr que dans le cas de mon père, il était atteint d'un cancer en phase terminale. Il aurait pu peut-être mourir là, deux semaines après. Il y avait une certaine marge de manœuvre, mais n'était pas infinie, là. Donc, il serait pas mort, il est probablement pas mort là, deux ans là, après que le moment il est décédé. Là. Donc, il y avait comme une fenêtre, si on peut dire, de jeu par rapport au moment du décès, compte tenu du déclin de ses capacités physiques en relation avec le cancer, là, naturellement. Et pour ce qui est de mon arrière-grand-mère, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'elle connaissait un déclin progressif de ses capacités physiques. Et c'est sûr qu'elle n'avait pas le taux vibratoire pour avoir la volonté pour restaurer l'état de ses cellules, de les régénérer. Donc, pour amener, par exemple, une régénération complète de son corps biologique là, par la capacité de canalisation de l'énergie, l'utiliser à cet escient. Naturellement, pour canaliser une quantité élevée d'énergie, eh bien, ça prend une stabilité psychique qui est inversement proportionnelle. Et plus que la personne est stable psychiquement, puis plus qu'elle peut canaliser de l'énergie, mais c'est pas parce que là non plus la capacité de canaliser une grande quantité d'énergie qu'elle peut pour autant agir sur la matière, parce que dans le fond, dans un premier temps, l'énergie nous permet d'agir sur la psyché, donc reconfigurer la psyché individuelle, être capable par exemple de faire une gestion adéquate de la pensée, gérer d'une manière adéquatement donc l'aspect émotionnel, gérer adéquatement sa vie. Ça, c'est accessible. Donc, utiliser l'énergie pour agir sur un état éterne, c'est beaucoup plus facile que changer la structure biologique, parce que le corps avec ses cellules, c'est composé de l'énergie densifiée. Il y a une intervention au niveau de la volonté qui est beaucoup plus grande à faire. C'est sûr que la volonté a un impact sur le corps biologique, parce qu'en réalité, le corps biologique est composé d'énergie densifiée. Et ce qui passe à travers la conscience de l'individu et qui permet l'expression de la volonté, c'est d'énergie. Donc, l'énergie peut agir sur l'énergie. Et c'est sûr qu'au niveau, par exemple, de la physique quantique, on en a l'illustration à l'heure actuelle avec le principe qui s'y rapporte à l'effet que le simple fait d'observer quelque chose permet d'agir dessus. Et que nous sommes séparés de rien. D'où le fait que dans l'univers, il n'existe qu'un seul champ quantique. Et le simple fait, par exemple, d'observer un phénomène comme, par exemple, des particules peuvent permettre d'agir sur leur comportement. Donc, il y a une réalité derrière ça, mais c'est pas parce qu'une réalité derrière ça que ça veut dire que la personne a la capacité d'agir sur la matière. Et c'est sûr que c'est pas à portée de tout le monde. Puis quelqu'un peut développer une conscience qui devient de plus en plus vibratoire. Puis au début, au niveau de l'ego, la personne peut dire, ben là, moi, je veux être sur la Terre d'une manière éternelle. Puis là, plus qu'elle se conscientise, puis plus qu'elle peut réaliser que finalement, ben, de vivre sur la Terre, c'est un passage, le temps d'une incarnation, accomplir certaines choses, puis après ça, je fais autre chose. Donc, autrement dit, plus que d'informations est dévoilée par rapport à la nature cosmique et multidimensionnelle de l'esprit qui se rapporte à la personne, et plus qu'à ce moment-là, la personne va être appelée à réaliser son existence en relation avec cette information qui autrefois pouvait lui être voilée compte tenu du fait qu'elle n'avait pas le taux vibratoire pour l'assumer, pour la contenir, cette information. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est extrêmement particulier, mais pour ce qui est de la longévité, que la personne soit fusionnée ou non avec l'esprit, eh bien, elle peut avoir une incidence sur sa conscience. Et là, je vous ai partagé deux cas en relation avec ma famille, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en existe également une multitude. Donc, autrement dit, il en existe également une grande quantité de cas. Et peut-être que vous connaissez également là, des gens dans votre environnement qui, dans le fond, leur conscience en relation avec le moment du décès a une incidence. Et ce qui est intéressant de voir ici, c'est que la longévité n'est pas nécessairement reliée avec la fusion d'un individu avec l'esprit. Il ne faut pas faire de corrélation entre les deux. Il ne faut pas partir du principe que si la personne a un taux vibratoire qui est élevé, qu'elle va nécessairement là, vivre longtemps. Là, parce que moi, j'en ai connu des gens avec des taux vibratoires élevés et ils n'ont pas nécessairement une très grande vie là, sur la Terre. Là, si je pense entre autres à Marc de la Salle qui est décédé il y a environ un an, eh bien, Marc est décédé à l'âge de 56 ans. Donc, puis il y avait un taux vibratoire quand même dans les gens que j'ai connus, là, c'est un taux vibratoire qui fait partie de ceux les plus élevés. Par contre, c'est sûr qu'en lien avec Marc, ce qu'il faut se poser la question, subjectivement, en tant qu'ego, est-ce qu'il aimait vivre sur la Terre? Est-ce qu'il était heureux de vivre? Et est-ce qu'il voulait vivre longtemps? Il y a cette dimension-là qui entre en ligne de compte, donc dans l'équation. Ici, je vais pas commenter plus par rapport à Marc, mais ce que je peux vous dire, c'est que si, parce que là, dans ma vie personnelle récemment, j'ai eu une grande tante qui est décédée. Elle s'est rendue à l'âge de 99 ans. Un peu comme mon arrière-grand-mère, puis c'est dans le cadre de l'activité de funérailles qui se rapportait à elle là, qu'on a discuté là, justement là, du fait que mon arrière-grand-mère, en réalité, elle ne voulait pas se rendre à 100 ans, donc subjectivement parlant. Et pour ce qui est de ma grande-tante, eh bien, c'est une personne qui s'est rendue à 99 ans, mais elle aimait vivre sur la Terre, de ce que j'ai perçu d'elle au fil des rencontres que j'ai eues au fil du temps. C'est une personne qui riait facilement. C'est une personne qui avait le sens de l'humour aussi. Dans le fond, ce que j'évalue, c'est que ça peut avoir une incidence par rapport à la longévité. Donc, le rapport au monde, le rapport à l'univers, le rapport à l'existence. Donc, sa façon de se situer par rapport au monde. C'est sûr que, tu sais, si je pense à ma grand-mère qui avance en âge, là, elle est rendue avoir 98 ans bientôt. Elle a un certain sens de l'humour aussi. Elle va passer beaucoup de temps dans sa journée à prier, là, un peu comme une religieuse qui prie plusieurs fois par jour. Et c'est sûr que si la personne a un esprit de communion, donc un esprit qui met l'emphase sur une volonté, bon, elle est dans la religion chrétienne, donc elle va prier Dieu pour que ça aille bien pour les gens de son environnement. Donc, elle se met en contact interne avec sa source à un certain niveau à travers cette activité. Bon, ben, c'est sûr qu'une personne, un peu comme quelqu'un qui fait de la méditation bouddhiste sur la compassion, bon, même l'emphase sur la compassion avec un certain esprit d'amour, ben, ça peut avoir une incidence sur le véhicule de la personne, sur la longévité, parce qu'elle se nourrit de cette vibration-là d'amour qu'elle veut faire émaner, qu'elle veut... Ici, c'est pas de l'émanation, là, c'est dans un cadre transcendant religieux par rapport à ma grand-mère, mais elle veut manifester. C'est sûr que dans le même esprit, autrefois, ben, mes ancêtres étaient dans la religion catholique, parce que je suis un Québécois, et les gens priaient Dieu pour avoir l'amour, pour avoir la grâce, et lorsque la conscience est occupée à prier Dieu, elle se donnait à vivre à une certaine échelle l'amour, la grâce, au même titre que quelqu'un qui fait de la méditation bouddhiste et qui se donne à vivre en générant, en manifestant dans sa conscience l'état d'être de compassion qui peut être généré. Des états d'être au niveau spirituel qui sont quand même assez élevés. Et c'est sûr que quelqu'un qui, au niveau de la conscience, génère comme état d'être à travers la bénédiction, celui du bonheur, ben, si la personne bénit son état de bonheur, ben, elle amplifie l'état de bonheur qu'elle peut connaître. Donc, vous voyez, ça a une incidence, un peu comme la prière. La différence entre les deux, c'est que dans la religion catholique, eh bien, la personne va prier un grand autre absolu. Elle va se représenter Dieu comme étant une force qu'elle va invoquer pour qu'il interfère en sa faveur. Donc, en lui demandant des choses. Tandis que dans la bénédiction, l'individu va commander à l'être en tant qu'absolu de générer certains éléments. Donc, l'individu est plus proactif et dans un esprit de commande et non pas comme une personne qui va demander « Ah, ben j'aimerais ça, telle affaire, peux-tu faire ça? » Non, non. Dans la bénédiction, l'individu identifie clairement ses besoins puis il commande à l'univers, à l'esprit, à la conscience, au champ quantique, pourquoi pas? Parce qu'en réalité, dans la conscience jovialiste, l'univers, eh bien, est quelque chose qui est englobé par l'être. Donc, l'individu qui se donne à être pleinement, il va connaître une globale individuation qui va faire en sorte qu'il est en relation avec le cosmos. Et cet individu n'est séparé de personne de par son être, bien que de par son essence ou sa personne, il est différent des autres. Donc, c'est ça la grande affaire, c'est que l'individu, en tant qu'ego, en tant qu'individu, subjectivité, oui, on peut voir qu'il y a des différences aux autres en tant qu'être là, au monde, à travers un corps, mais de par sa conscience qui est en relation avec le tout, bien, il n'est séparé de rien. Donc, la personne peut commander à l'univers et c'est sûr que la conscience peut aussi être en contact avec l'esprit. Dans la conscience supramentale, il est question, entre autres, de la possibilité de la personne à parler avec sa contrepartie cosmique, son esprit, et la personne qui est sensible peut recevoir des réponses. C'est sûr que si je fais un enregistrement où je vise à canaliser l'esprit, eh bien, c'est toujours de regarder qu'est-ce qui émerge en moi. Et je sais qu'il y a une partie du public qui, dans le fond, vont avoir une sensibilité qui vont leur permettre de percevoir « Ah, à tel moment, tu parles, puis je trouve ça vibratoire, ça rentre en résonance avec moi. À tel autre moment, non, je n'entre pas en résonance avec ce que tu dis. » Parce que, dans le fond, notre propre esprit peut nous amener à attirer notre attention sur certains propos qui sont tenus plutôt que d'autres pour amener notre attention sur certains éléments. Donc, il y a certaines personnes que de parler de longévité et de l'impact de la subjectivité, ça va leur parler intérieurement parce que, à quelque part, si, par exemple, la personne a à vivre longtemps sur la Terre pour accomplir quelque chose, eh bien, ça devient intéressant que la personne prenne soin de son corps physique, de son corps biologique. C'est sûr que par rapport à ça, il y a des conseils d'usage, vous les avez sur Internet. Eh bien, vous allez entre autres sur Google, j'ai tapé « longévité » et là, il y a des conseils qui apparaissent. Là, j'ai tapé ça. Là, il y a des questions qui apparaissent. Ça, c'est nouveau. Autrefois, il n'y avait pas ça. Et là, on a ça aujourd'hui. Donc, il y a une question. J'ai tapé le mot « longévité » sur Google. Il apparaît la question « Quel est le secret de la longévité? » De s'est marqué ceci, ne pas fumer, boire modérément, adopter un régime méditerranéen ou encore pratiquer une activité sportive régulière sont les principaux facteurs d'hygiène de vie qui permettent de vivre plus longtemps. On nous l'a souvent répété. Fait que là, c'est sûr que ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est souvent les mêmes conseils qu'on nous entend là, remâcher ou répéter un peu partout dans les médias. Et c'est quand même des éléments de base, mais qui sont là. Puis là, on a d'autres questions. C'est intéressant parce qu'on peut travailler à partir de questions. Là, ensuite, comment faire pour vivre centenaire? Donc, j'ai des gens dans ma famille qui vivent très longtemps. Donc, mon arrière-grand-mère, 99 ans. Ma grande-tante, 99 ans. Et là, présentement, j'ai une grand-mère qui va avoir sous peu là, 98 ans. Donc, c'est sûr que si je regarde ça sur le plan génétique, bon, il y a peut-être des gens qui, dans ma famille, qui vivent longtemps, ce qui fait en sorte que peut-être que j'ai des possibilités de vivre longtemps également. Donc, comment faire pour vivre centenaire? Donc, le secret de la longévité des centenaires est une vie active physiquement comme socialement et la recherche du plaisir. Ah! C'est intéressant, ça date du 19 octobre 2020. La recherche du plaisir. Donc, tranquillement, on inscrit le plaisir là-dedans parce que le plaisir de vie, à mon avis, est fondamental pour vivre longtemps. Présentement, j'observe le philosophe jovialiste qui a 80 ans. D'ailleurs, j'en ai partagé là, récemment là, de ses enregistrements. Donc, en 2021, il est rendu à 80 ans. En 2020, il avait 79 ans. Donc, en lien avec ces deux années, j'ai mis en ligne là, des enregistrements en fait récents là, d'André Moreau. Et ce que je vous dirais, c'est qu'en dépit de son âge qui avance, il y a toujours ce plaisir de vie qui est là. Donc moi, je trouve ça intéressant là, d'écouter ces enregistrements parce que c'est une personne qui, au fil du temps, a resté avec la capacité de l'enfant de jouer. Qui, à mon avis, est resté intact chez lui, la capacité de s'amuser. Puis c'est sûr qu'en lien avec sa philosophie, ben l'un des aphorismes, l'un des principaux adages, des principaux énoncés, c'est que le plaisir est sagesse. Donc c'est sûr qu'avec un énoncé tel à l'effet que le plaisir est sagesse, ça risque de favoriser la longévité là, naturellement. Ensuite, ce qui est inscrit, l'alimentation saine et sans excès. Et le principal point commun des centenaires, on estime que notre assiette est responsable à 30% de notre longévité, puis il y a d'autres choses. Donc autrefois, il n'y avait pas ça. Et aujourd'hui, on claque quelques mots là, sur Google, on a des informations sur différents sujets. Et c'est sûr que l'individu en tant qu'ego peut faire des actions concrètes là, pour favoriser sa longévité, donc on l'a vu tantôt. C'est sûr que, dans le fond, ne pas fumer de cigarette, éviter les excès d'alcool qui vont amener une usure prématurée de l'organisme, un peu comme la cigarette. Ensuite, un mode de vie méditerranéen, c'est-à-dire éviter manger de la viande rouge en grande quantité. Ça, c'est des actions concrètes que la personne peut faire, mais c'est sûr que la personne a à regarder est-ce qu'elle a la vibration de faire ça. Donc, c'est tout le temps du cas par cas, hein? Parce que quelqu'un, en tant qu'ego, pourrait utiliser toutes les recettes, les modes d'alimentation, ensuite les programmes d'entraînement physique pour être très en forme, mais si dans sa programmation, compte tenu de ce qu'elle a accompli sur Terre, est-ce que ça donne à accomplir sur Terre en tant que conscience, elle n'a pas nécessairement à vivre longtemps? Ben, la personne, ça ne va pas dire nécessairement qu'elle va vivre longtemps. Puis des fois, on va retrouver des gens qui vivent longtemps et qui n'ont pas nécessairement un mode de vie optimal. Donc, si je pense à des gens, par exemple, qui ont fumé la cigarette une bonne partie de leur vie, puis finalement, la personne, elle se ramasse à mourir âgée, tandis que l'autre ne fumait pas la cigarette, fait régulièrement du sport, puis finalement, la personne se ramasse avec un cancer. Mais là, il peut y avoir d'autres variables. Ça veut dire que la personne, peut-être qu'elle a fait un cancer parce qu'elle avait des difficultés à gérer certaines émotions. Il y avait des conflits importants dans sa vie, des tensions nerveuses aussi, du stress. Fait que là, dans le fond, la longévité, c'est multivariable. C'est sûr que sur le plan occulte, la dimension qui n'est pas nécessairement abordée par les nutritionnistes, par les médecins, les professionnels de la santé, c'est la question du rapport à la conscience que l'individu a, le rapport aussi subjectif à l'univers, comme je vous l'expliquais tantôt, parce que c'est sûr que si la personne n'est pas heureuse sur la Terre et que, par exemple, la personne, dans le fond... elle trouve que les gens sont inconscients, ça lui tombe ses nerfs de voir des gens qui sont inconscients parce qu'elle est très perfectionniste, elle a un niveau d'idéal qui est très élevé. Bon, ben c'est sûr que ça donne pas le goût de vivre longtemps. Si la personne a tout le temps, puis la personne a un niveau d'intelligence très élevé, ben c'est sûr que d'être entouré, par exemple, de gens qui sont faiblement conscients, et qui, dans le fond, font tout le temps des erreurs. Si la personne n'a pas une permissivité envers les autres ou envers elle-même, puis est très exigeante, puis elle met continuellement la barre haute, c'est sûr que ça ne favorisera pas, dans le fond, une vie qui va être longue. Ça, c'est clair. Pour vivre longtemps, à mon avis, il faut avoir une certaine permissivité par rapport à l'environnement et laisser les gens vivre leur expérience, puis composer avec l'imperfection du monde. Tout en se donnant le droit d'être heureux, parce que là, si on attend que ça aille bien dans le monde, qu'il n'y ait plus de crise, pour être heureux, ben on se retient longtemps là, d'être heureux. Non, non, faut que, peu importe la nature de la situation, l'événement, il faut être capable de générer un bonheur qui est là. Par exemple, en se levant le matin, en faisant quelque chose qu'on aime, qui va faire en sorte qu'on a du plaisir de vivre. D'ailleurs, André Moreau, un des aspects fondamentaux de sa philosophie qui, à mon avis, peut favoriser la longévité, donc de vivre longtemps, c'est l'idée de générer un bonheur de type arbitraire qui est immérité, qui est tout simplement là parce qu'on le décide d'être heureux. Donc, avoir la volonté du bonheur, donc vouloir être heureux puis le manifester, pas attendre que la crise sanitaire prenne fin pour être heureux. On ne sait pas quand tout ça, ça va prendre fin, si ça prend fin, parce qu'après tout, les virus mutent continuellement. Donc là, les virus, ils disparaîtront pas, les différents types de virus. Et, en tout cas, il y en a tout le temps qui changent, puis... dans le fond, même avant que l'humanité existe, il y avait des virus. Là, il y en a aujourd'hui, puis probablement qu'il y en aura après. Là. Donc, non, il faut être capable de générer par soi-même son bonheur sans attente, sans contrainte. Puis pour ce qui est de la longévité, l'essentiel sur la piste sur laquelle je voulais vous amener aujourd'hui, c'était de réaliser que c'est pas réel de penser que, ah ben parce que la personne, dans le fond, vit un processus de conscientisation, automatiquement, elle va vivre longtemps. Non, c'est pas de vivre un processus de conscientisation, à mon avis, dans l'étude que je fais là, en tant qu'ego au fil du temps, qui permet de déterminer la longévité. C'est la programmation de l'individu au niveau occulte et aussi au niveau ego, subjectivité, comment qu'elle compose avec l'événement, avec la réalité. Donc, si la personne est résiliente, c'est-à-dire qu'elle a une capacité d'adaptation face aux événements qui sont adverses dans sa vie, puis est capable de s'amuser, ben ça peut être un facteur favorisant. Puis j'ai vu des égos qui étaient moins conscients que d'autres au niveau vibratoire, qui ont vécu plus longtemps. C'est pas parce qu'ils étaient capables d'intercepter puis de canaliser de la conscience supramentale, des gens qui avaient dans certains cas des grandes sensibilités spirituelles, mais ils n'allaient pas plus loin que ça. C'était plutôt parce que en tant qu'égo, ils étaient capables de composer avec le contexte planétaire. Mais ça se peut aussi que quelqu'un a une grande sensibilité supramentale, capacité de manifester l'esprit et qui vive longtemps. Un exclut pas l'autre. Donc, c'est comme l'idée que quelqu'un peut être beau puis intelligent. Parce que des gens vont dire « Ah, ben la personne, soit qu'elle est belle ou intelligente. » Non, non. Les deux peuvent être possibles. Donc, c'est ça que je voulais mentionner là, par rapport à aujourd'hui. Sinon, ben comme j'ai été à des funérailles récemment, par rapport à une grand-tante là, qui est décédée. Ça m'a permis de voir en temps de crise sanitaire à quoi ressemblent des funérailles, donc en tant qu'événement, comment que la crise change tous les aspects de notre vie là, depuis plusieurs mois. Et là, j'ai été à un salon funéraire où son corps était exposé. Et là, il y avait des consignes précises. Donc, au moment où j'y étais au Québec, eh bien, c'est un maximum de 50 personnes à l'intérieur d'un salon funéraire, c'est quand même bien, là. Parce qu'à un moment donné, c'était 25 personnes. Et puis, les gens devaient porter le masque naturellement à l'intérieur du salon funéraire. Par la suite, les gens ne pouvaient pas se donner la main, faire d'accolade. Donc, les gens devaient rester à un mètre au moins là, les uns des autres. Donc, il y avait une distanciation physique qui était là. Qui était présente en plus du port du masque. Donc, ça fait changement. Le rituel a été affecté donc par les mesures sanitaires. Ensuite, pour ce qui est de la messe qui a suivi, parce que donc ma grande-tante, là, c'était une chrétienne, donc une catholique plus particulièrement. Et dans l'église, il y avait une rangée de bancs sur deux qui étaient fermés à l'endroit où j'ai été avec des cordes, pour favoriser la distanciation physique entre les gens. Donc, un peu comme un jeu d'échecs. Un jeu de dames, devrais-je dire. Vous avez des cases noires, des cases blanches, des cases noires, des cases blanches. C'est un petit peu ce type d'alternance ou de permutation qu'il y avait entre les bancs. Donc, il y avait un banc qui était ouvert, un banc qui était fermé, un banc qui était ouvert, un banc qui était fermé d'une rangée, puis la même chose dans l'autre sens, de sorte qu'il y a une distance physique entre les gens. Donc, c'est la première fois que j'entends dans une église que je vois ça. Ensuite, les gens, lorsqu'ils circulaient dans les rangées, eh bien, ils portaient le masque. Et le prêtre aussi portait le masque, mais au moment où ce qu'il prenait la parole au micro à l'avant, eh bien là, il pouvait enlever le masque. Même chose pour des membres de la famille là, qui, en relation avec la cérémonie religieuse là, relative à son décès, ont pris dans le fond, si je pense à une, en fait. Une personne de la famille qui a fallu qui aille parler en avant, bon, ben, c'est sûr que pendant qu'elle parlait au micro, elle portait pas le masque, là, comme on dit. Donc, ça, c'est des changements. Et là, les gens se donnent plus la paix à se donner la main entre personnes à cause des mesures sanitaires, alors qu'autrefois, en Église, on invitait les gens à se donner la paix, donc dans un esprit fraternel de donner la main les uns les autres. Ensuite, pour ce qui est de la communion, eh bien, dans le fond, le célébrant de la messe, c'est-à-dire le prêtre, eh bien, passait, là, il se déplaçait vis-à-vis les bancs des gens. Puis là, au moment de prendre la communion, la personne pouvait enlever le masque alors qu'elle était debout et mettre l'hostie dans sa bouche. Puis ensuite, il fallait qu'elle remette le masque. Donc, puis. Au moment qu'elle se levait debout en attente que le prêtre passe pour lui donner l'hostie, bien, elle devait porter le masque. Mais juste au moment où elle recevait l'hostie et quelques instants après que le prêtre passe à une autre rangée, aller donner la communion à d'autres personnes, elle pouvait enlever le masque d'un moment furtif pour ingurgiter l'hostie. Après ça, elle le remettait. Donc, c'était ça. Ensuite, après ça, bien, il y a eu un buffet. Puis il y avait au lieu que les gens se servent eux-mêmes la nourriture, non, il y avait une personne qui était attitrée à ça avec des gants noirs et c'était chacun à tour de rôle pour favoriser la distanciation sociale entre les gens. Puis là, les gens disaient qu'est-ce qu'ils voulaient avoir, puis la personne touchait, manipulait les fourchettes et les éléments là, pour, dans le fond, qu'elle ait ce qu'elle veut là, dans son assiette pour éviter le contact. Et donc, après ça, il y a eu l'enterrement du corps. L'enterrement du corps, on était dehors, ça n'a pas changé grand-chose, mais il y a eu quand même une incidence par rapport aux différentes mesures sanitaires en relation, dans le fond, avec la célébration là, des funérailles, là. Donc, j'ai vu ça de mon vivant. C'est sûr que quelqu'un dans le domaine de l'anthropologie qui étudie la fonction des rituels humains. Comme celui du rituel associé au décès d'une personne sur le plan anthropologique. Ça peut être très intéressant, ce type de description-là. Peut-être que même quelqu'un, au moment où ce que je parle, va faire une thèse de doctorat sur l'incidence de la crise sanitaire, sur la modification des rapports humains, dont notamment là, le rapport là, au décès, à la mort. Donc, qui est occasionné en relation avec la crise sanitaire. Donc, ça pourrait être un sujet d'étude. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont étudier la dimension économique, l'impact de la crise sanitaire sur, par exemple, les transactions économiques à l'international, sur la façon de faire les affaires. Ensuite, le rapport au gouvernement, il y a plusieurs choses, mais il y a ce volet-là. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ça parce que j'ai vécu ça. Il y a peut-être des gens aussi qui m'écoutent qui ont vécu des funérailles en temps de crise sanitaire. Donc, ça fait changement de vivre ça dans cette période-là. Et sinon, en fait, j'étais à Metz parce que mon esprit, c'était en tant qu'individu, de respecter les volontés de ma grande-tante là, qui est décédée. Elle voulait avoir un service religieux. Bon, ben, ça y appartient. Je respecte ses croyances. C'est sûr que, en tant que personne, je ne chercherais pas à créer du désordre en relation avec ses croyances. Par contre, ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai une relation similaire avec l'invisible qu'elle, là, naturellement. Dans mon cas, je n'ai pas une vision d'un Dieu qu'il faut prier Par contre, j'ai une conception de l'existence d'une contrepartie cosmique qui se rapporte à ma conscience avec laquelle je peux communiquer. Donc, je peux y poser des questions, puis ça peut me répondre à l'intérieur. Donc, c'est ça. Ou sinon, ben, au lieu de demander, donc d'avoir certaines choses, ben, je peux regarder vibratoirement si j'ai à les avoir avec ma sensibilité, si c'est intelligent ou non, parce que en tant qu'ego sous influence astrale, on peut avoir la pensée, ah, j'aimerais ça avoir telle chose, mais dans la réalité, puis dans les faits, c'est pas nécessairement le cas. Faut faire attention, faut faire preuve de discernement. D'ailleurs, il y a un adage qui dit, faites attention, qu'est-ce que vous demandez, parce que vous pourriez l'avoir. Puis si en réalité, vous voulez pas vraiment ça, mais vous croyez que vous voulez ça, ben là, vous pouvez en souffrir de l'avoir. Donc, parce qu'il peut y avoir des effets pervers par rapport à ça. Tu sais, quelqu'un peut dire, ah, ben moi, j'aimerais ça être multimillionnaire. La personne gagne à la loterie un montant d'argent important. Oui, techniquement, elle est multimillionnaire, mais est-ce qu'elle est plus heureuse? Pas nécessairement, parce que si l'information liée au fait qu'elle a gagné l'argent est médiatisée et publiée dans les médias, ben ça se peut que dans les jours qui suivent, elle soit harcelée sur les réseaux sociaux, par téléphone et également là, par courriel, par différentes personnes inconnues d'elle qui l'ont vue à la télévision. Ou qui l'ont vu sur Internet et que là, dans le fond, aimerait ça avoir de son argent parce qu'ils ont besoin d'argent en relation avec des problèmes personnels ou autres. Donc, peut-être que la personne trouvera pas ça agréable d'avoir obtenu, oui, l'argent qu'elle voulait, mais d'une manière à ce que l'information soit connue du public et que par la suite, eh bien, elle est bombardée de demandes de toutes parts là, pour des œuvres humanitaires, des œuvres de charité, pour des projets de construction, de bâtiments, d'investissement d'affaires ou autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement délicat. Et on va compléter l'enregistrement aujourd'hui. Donc, j'ai l'intention de faire l'usage de ma volonté individuelle pour me faire du bien. Et je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de mal à se faire du bien, n'est-ce pas? À se donner à vivre un état d'être agréable. Donc, certaines personnes le font à travers la prière, donc prier Dieu. Ensuite, la méditation pleine conscience, méditation sur la compassion pour amplifier un état de compassion en soi. Et on peut le faire aussi à travers la bénédiction, et qui est l'utilisation de la volonté pour amplifier certains éléments et de commander à l'univers. Donc, en partant du principe que nous ne sommes pas séparés de l'univers, eh bien, on peut agir dessus à partir de notre volonté. Et c'est dans cet esprit-là que je vais faire la série de bénédictions qui vont être faites dans les prochaines minutes. Donc, tout d'abord, je m'installe confortablement. Et je vais bénir mon état de santé physique, de la tête aux pieds, les différents aspects qui composent mon corps, je les bénis. Je les investis de la lumière de la conscience. Je bénis les différents organes. Je peux investir dans ma bénédiction d'organes. Les différents organes de mon corps, pourquoi pas. Donc, je bénis mes poumons, ma capacité respiratoire. Je bénis mon cœur. Je bénis, donc j'amplifie la santé de ma peau, ma vessie, ensuite mon estomac, ma capacité digestive. Ensuite, j'apporte une attention particulière à mon intestin. Hein? Mon père, dans mon cas, est décédé d'un cancer de l'intestin. Donc, à ce moment-là, pour me favoriser compte tenu des antécédents génétiques et du fait que du côté de mon père, bien, il y a eu d'autres personnes qui ont eu des problèmes en relation avec les intestins, pourquoi pas investir à ce moment-là de surplus de présence d'énergie, de lumière, les intestins, pour qu'il y ait un fonctionnement adéquat. Donc, je bénis la multiplication de cellules saines dans mes intestins. Je bénis ma capacité à intégrer les chocs émotionnels, les situations stressantes. Je bénis ma capacité à composer avec une situation de crise mondiale qui semble s'enliser au fil des mois. Je bénis ma capacité à être bien en dépit des événements auxquels je suis exposé, soit d'une manière directe en tant que personne ou également indirectement à travers ce que je vais voir là, sur mon écran d'ordinateur en relation avec des bulletins de nouvelles. Je bénis plus précisément mon état de santé émotionnelle. Je bénis mon état de santé intellectuelle, ma capacité à apprendre, ma capacité à analyser l'information, ma capacité à traiter les informations aussi. Je bénis mon état de santé vibratoire pour que mon énergie soit saine, qu'elle favorise la santé. Bien entendu, en relation avec le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui, hein, conscience et longévité, eh bien, je vais bénir ma longévité, c'est-à-dire ma capacité à être suffisamment créatif pour être heureux de me lever le matin et de tout le temps avoir quelque chose de stimulant à faire, quelque chose qui va m'apporter du bonheur. Je bénis l'intelligence créative pour qu'elle me donne accès aux pensées créatives qui vont me dynamiser, qui vont me favoriser. Je bénis ma capacité à être disponible à l'intelligence créative qui va me permettre de connaître un renouvellement perpétuel de mon être à travers un corps biologique. Donc, je bénis l'accès de ma conscience à une source intérissable de créativité qui fait en sorte qu'au fil des années, bien, j'ai pas le syndrome de la page blanche. Donc, vous savez, il y a des écrivains qui, à un moment donné, sont pas capables d'écrire un roman ou quelque chose. Et pour des communicateurs, c'est la même chose. Donc, aujourd'hui, je vous partageais un petit peu les funérailles que j'ai vécues. Et je vous dirais que par rapport aux enregistrements audio, ça fait plusieurs années que j'en fais. Et il y a tout le temps des nouvelles idées qui émergent en moi, des thèmes. Et ce que je vous dirais, c'est que dans mon quotidien, il y a plusieurs sujets qui m'habitent. Donc, il y a comme c'est-à-dire que on va le prendre autrement, hein, l'histoire de le syndrome de la page blanche, je le vis pas, parce que vous voyez, là, je fais plein d'enregistrements continuellement, puis j'ai tout le temps plein d'idées sur plein de sujets, fait que ça arrête pas. Donc, je bénis le renouvellement créatif de ma conscience. Puis là, ce que ça me dit intérieurement, c'est pas la quantité de sujets ou d'idées qui est importante, mais c'est le taux vibratoire que ça te permet de vivre. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'en effet, il peut y avoir dans ma conscience plein d'idées qui proviennent du plan astral, qui me mettent à vibrer à de la peur, à de l'insécurité en lien avec la crise planétaire que nous connaissons. Et d'avoir des idées en grande quantité par rapport à ça, c'est caractère anxieux, c'est pas intelligent. Donc, c'est pas la quantité qui est importante d'idées, c'est la dimension qualitative des idées, c'est-à-dire la longueur d'onde qui se rapporte à chacune d'entre elles. Et l'intelligence de l'individu en tant que canal, en tant qu'ego, c'est d'amplifier la longueur d'onde, la longueur vibratoire des idées qui sont favorables à la santé psychique, à l'équilibre mental, à un état de bien-être intérieur. Donc, sur cette parenthèse, je vais prendre les bénédictions. Donc, ce que je disais, c'est que je bénis ma longévité, ma capacité de vivre longtemps en santé et être heureux. Parce que là, si la personne vit longtemps et n'est pas heureux, c'est pas agréable. C'est plate longtemps. Fait que là, si on bénit la longévité, faut bénir la joie de vivre et le bonheur, parce que sans ça, on va avoir des problèmes. Donc, je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma capacité de m'émerveiller devant l'existence comme un enfant. Je bénis ma capacité de générer un bonheur simple, spontané. Je bénis mon sens de l'humour, ma capacité de rire, ma capacité de prendre la vie avec résilience, donc avec une touche d'humour. Je bénis également ma volonté, mon intelligence et mon amour. Je bénis l'amour que je peux générer dans ma conscience pour soi. Je bénis ma capacité d'aimer pleinement ce que je me donne à vivre dans le cadre de mon existence, non pas pour des raisons d'aliénation, mais pour des raisons d'être composé avec ce qui se passe et de faire preuve d'une forme de générosité psychique envers moi-même, c'est-à-dire de bienveillance. Donc, être capable de m'aimer à travers l'événement que je vis, peu importe la nature de l'événement, je trouve ça plus intelligent que de s'haïr, là, naturellement, qui revient à retourner de la haine contre soi. Donc, je bénis ma capacité à faire preuve de douceur envers moi-même. Et ça, c'est une bénédiction particulière parce que moi, je suis quelqu'un qui, pendant plusieurs années, était très perfectionniste, très exigeant. Au niveau familial, ben, c'était la même chose par rapport à certains de mes parents, de mes ancêtres. Et j'ai à me détacher de tout ça. Donc, avoir une certaine indulgence envers les autres et également envers moi-même. D'où la pertinence de bénir ma capacité d'indulgence. Et c'est sûr que les gens qui font des bénédictions peuvent les faire en fonction d'ajustements vibratoires qu'ils ont à faire dans leur existence, dans leur vie. Donc, si quelqu'un a arrêté de se mettre de la pression puis faire du stress facilement parce que la personne met la barre haute, ben la personne peut bénir sa capacité à être calme dans sa vie, à prendre les choses d'une manière zen, d'une manière relaxe, à faire preuve de bienveillance envers elle-même, de générosité psychique envers elle-même, à travers de la douceur, de la sensualité pour agrémenter sa vie également. Donc, la personne peut ajuster ses intentions de conscience en fonction des ajustements énergétiques qui sont intelligents à ce qu'elle fasse dans sa vie en vue d'ajuster sa structure énergétique qui est en relation avec sa conscience, parce que tout est interrelié, hein, le corps est en relation avec l'esprit et vice-versa. Donc, des problèmes de santé physique peuvent amener du stress et la conscience peut réduire le stress. Donc, tout est interrelié. Ça, c'est un principe fondamental qui permet de justifier la pertinence de procéder à des bénédictions. Parce que, dans le fond, quelqu'un, par exemple, fait une indigestion, des difficultés à se nourrir, puis bon, la personne a le goût de vomir, puis à un moment donné, elle vomit, bien là, elle peut faire de l'anxiété en lien avec ça, elle peut faire du stress. Donc, l'état physique a un impact sur la dimension psychologique. Mais la dimension psychologique peut avoir un impact aussi sur l'état physique. Autrement dit, si dans sa psyché, la personne reste calme, bon, ben ça va diminuer le stress que la condition physique lui fait vivre. Et aussi, la condition psychologique a un impact sur le côté physique parce que, comme on l'a vu tantôt, en lien avec mon arrière-grand-mère, bon, ben elle avait la volonté au niveau psychologique de ne pas se rendre à 100 ans, puis elle ne s'est pas rendue à 100 ans parce qu'elle trouvait que c'était vieux. Donc, elle est morte avant. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Fait que là, je vais continuer avec les bénédictions. On va finir cet enregistrement après ces multiples parenthèses. Donc, je bénis la qualité régénératrice de mon sommeil. Je bénis mon ouverture d'esprit. Je bénis ma résidence, le lieu où je vis, pour que ce soit un lieu qui soit investi d'énergie vitalisante, de telle sorte qu'à chaque fois que je franchis la porte chez moi, je me retrouve dans un état énergétique propice à ma santé. Je bénis mon ordinateur. Je bénis par la suite le mobilier de l'endroit où je suis pour qu'il dure longtemps. Et bien entendu, je vais bénir aussi l'animal de compagnie avec lequel je vis chez moi. Et en terminant, eh bien, je bénis ma capacité de bénir, de telle sorte qu'à chaque fois que je bénis, j'en favorise sa prolifération, son amplification, pour qu'elle devienne de plus en plus puissante avec le temps. Et naturellement, je bénis ma capacité d'harmonisation intérieure à mon être dans sa totalité. Je bénis la capacité de vivre un état d'unité de conscience qui est propice au bonheur, propice au bien-être, propice à la joie de vivre, propice à la réception de l'intelligence cosmique, propice à la canalisation et la manifestation d'intelligence créative également. Je bénis ma capacité d'intercepter psychiquement les idées créatives nécessaires à ce que ma vie soit de plus en plus agréable, plus en plus facile, plus en plus simple et plus en plus douce. Je bénis ma capacité d'être disponible en conscience à toute idée qui va favoriser ma vie Et à ce moment-là, j'envoie ça dans l'univers, cette volonté, parce que ma volonté n'est pas juste dans mon corps biologique, le simple fait d'émettre une volonté en tant que conscience a une incidence sur l'environnement dans lequel je me trouve, parce que tout est interrelié. Donc, je complète l'enregistrement sur ces considérations. Et comme à l'habitude, je vous remercie de votre écoute plus particulièrement, je remercie les gens qui m'ont fait des contributions financières au fil du temps. Donc, si vous appréciez mes enregistrements, vous pouvez manifester votre gratitude par rapport à ces derniers et par rapport à moi, là, naturellement, là, qui les produit en me faisant parvenir de l'argent via des services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, vous allez avoir les informations à ce sujet qui vont figurer là, en bas de l'enregistrement. Et je vous remercie beaucoup, encore une fois, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour une autre capsule audio. Au revoir.